de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gimeuzo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Marie-Claire. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, je m'appelle Marie-Claire Maxel, j'ai 70 ans, j'habite Vanier. C'est quoi l'association La Soupline? C'est une association qui donne des cours de gym, d'entretien. Depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association? Depuis 1975. Et qui l'a créé? Alors, c'est Françoise Théaude. Il y avait un groupe de dames qui allaient faire de la gym à Remiremont, depuis Vanier. Et puis, à Remiremont, après, il y avait trop de monde. Donc, on leur a demandé gentiment d'essayer de créer une association sur Vanier. Et voilà, c'est comme ça qu'elle s'est créée. Et c'est elle qui faisait tout, présidente, l'animation au départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de la rejoindre, l'association? Eh ben moi, je suis en retraite depuis 2008. Et quand j'ai pris ma retraite, j'habitais à Metz à l'époque. Donc, j'ai voulu reprendre du sport. Et voilà, j'ai trouvé la gym à Vanier. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous avez quoi comme rôle au sein de l'association? Eh ben je suis animatrice et présidente depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos collaborateurs? Oui. On a... Donc, je suis présidente de l'association et du coup, il y a une trésorière, donc Marie-Josée Munzernat, qui est depuis 2021 avec nous dans le comité. Et puis, Hélène Mangenot, qui est secrétaire, donc qui m'aide bien pour tout ce qui est administratif. Quoi. Au comité, il y a 12 membres où on se réunit de temps en temps. Combien de bénévoles et d'adhérents est-ce qu'il y a à l'association? Alors, c'est ça, bénévoles, adhérents, c'est la même chose pour moi. Enfin, on est 95 cette année. D'accord. Et quel rôle ils ont au sein de l'association, les bénévoles? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, bon, ils viennent faire des cours de gym. Et puis, les autres, comme je vous disais avant, donc il y a une trésorière qui prend en charge les finances et la secrétaire. Et sinon, il n'y a pas trop de travail, en fait, de bénévolat, quoi. Comme toutes les associations, j'imagine que vous avez besoin de bénévoles. On aimerait bien avoir de nouvelles animatrices, oui. Oui, ça serait bien. Est-ce que vous voulez lancer un appel à nos auditeurs? S'il y a des gens qui veulent faire pratiquer de la gym, l'association participe à la formation. Il y a une formation et on est ouvert. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi, à savoir Ed Sheeran et son titre Shape of You, avant de parler des différentes activités de l'association La Soupline. À tout de suite sur Radio Gimeuzo. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My way. Ah, j'adore ce titre. Merci pour ce choix, Marie-Claire. Alors, nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Marie-Claire, justement. Quelles sont les différentes activités qu'on peut pratiquer à la Soupline, à Vanier? Alors, je pense que c'est des cours de gym où on fait du renforcement musculaire, du cardio, des étirements, de la relaxation. Après, les cours sont tous différents parce qu'on est 5 animatrices, donc on a chacune une personnalité différente, donc... Voilà, c'est varié. On peut faire un peu de pilates. Le pilates, c'est pas une activité qui est utilisée pour se détendre? Pas forcément. C'est des mouvements de gym avec la respiration et qui sont plutôt plus lents. Oui, ça détend forcément. La gym en général, ça détend, mais. Et vous faites quoi comme gym? Est-ce que vous faites du pilates? Vous enseignez quoi, vous? Moi, je fais un peu de tout. Mm-hmm. On est, oui. On intègre le pilates dans nos séances. On fait pas qu'une séance de pilates, par exemple. On fait quelques mouvements de pilates, comme on va faire d'autres mouvements de stretching. Combien est-ce qu'il y a de licenciés dans l'association? 95. Ah, c'est déjà bien. Oui. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que les années précédentes? Alors, il y en a eu plus. Il y en a eu jusqu'à 140. Mais avec le Covid, ça a baissé. Et puis là, ça remonte un peu. Il a fait du mal, ce Covid. Oui, oui, oui. Heureusement, les choses recommencent à revenir à la normale. Oui, oui, tout à fait. C'est quoi la gymnastique d'entretien? Alors, c'est une activité plutôt quand même assez dynamique qui se fait souvent en musique. Il y a un petit échauffement, après on fait il y a un corps de séance avec un peu de cardio, un peu de musculation, de renforcement musculaire, où on intègre la coordination, on fait de l'équilibre aussi. Parce que là, quand on me dit gymnastique, j'imagine la gymnastique assez scolaire, où vous montez sur la poutre, les barres asymétriques, les barres parallèles. Oui, alors non, c'est pas du tout ça, c'est plutôt renforcement musculaire, oui. On bouge, quoi. On essaye de bouger toutes nos articulations, faire travailler tous nos muscles, voilà. Garder la forme. Quels sont les différents profils de vos licenciés, la tranche d'âge à peu près? Alors, on a essentiellement des seniors. D'accord. C'est, je dirais, de 55 à 90 ans. Je pense qu'au début, il y avait plus de gens qui travaillaient. Et puis, ça s'est progressivement, il y a eu plus de seniors. Et est-ce qu'il n'y a que des femmes ou des fois vous recevez des hommes aussi? Eh ben non, on a 4 hommes. D'accord. Ça fait pas très longtemps qu'on a des hommes et il y en a jamais eu beaucoup dans l'association, mais là on en a 4. Est-ce que vous avez aussi des animateurs hommes ou pas? Non, pas encore. Vous aimeriez? Comme on aimerait bien, oui. Oui, pourquoi pas? Oui. Et c'est quoi la formation qui suit les personnes qui veulent devenir animateurs ou animatrices? On passe à CQP, un certificat de qualification professionnelle. Il y a des heures sur place. Je crois que c'est 180 heures. Il y a des heures sur place et après, il y a un coach. Par exemple, moi, je pourrais seconder quelqu'un qui veut se former, quoi. Il faut qu'il fasse des heures de cours. Et qui vous assiste aussi, du coup, qu'il observe. Et qui nous assiste, qu'il observe, qu'il apprenne. Oui, oui, non, c'est assez, oui, oui. Et après, normalement, c'est des gens qui sont salariés, quoi, qui peuvent se faire payer. Ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que nous, on a toute notre CQP, mais on est bénévole, en fait. Est-ce qu'il faut une tenue particulière pour pratiquer les sports qu'il y a à la Soupline? Pas spécialement, il faut être à l'aise, avoir des chaussons de salle, enfin des chaussures de salle, mais et puis le reste, bon, être à l'aise. Ah, vous disiez que vous pratiquiez les activités avec de la musique. Est-ce que c'est pour être dans le rythme ou c'est juste comme ça en fonctionnant? Exactement ça. Le rythme, ça aide. Oui, ça aide bien. Est-ce que vous envisagez de faire venir des enfants ou des adolescents? Alors, on est une association d'adultes. Donc, faire venir des enfants ou des adolescents, c'est... Bon, il faudrait créer autre chose. Il faudrait un animateur qui sache plus prendre en charge les enfants, quoi. Mais ça n'empêche que, de temps en temps, les mamies viennent avec leurs petits-enfants. Et ça arrive. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur les différents enseignants et animateurs de la soupline? Combien ils sont, etc., par exemple? Alors, on est cinq. Ben, il y a Pierrette, qui est la dernière qui vient de se faire sa formation. C'est pareil, quand elle était en retraite, elle a eu envie de se former. Elle faisait de la gymnastique à Abbas-sur-le-Rue. Et donc, comme notre club est plus grand et qu'on prend en charge les formations, elle s'est formée avec nous. Et du coup, ben, elle vient bénévolement après. Marie-France, qui vient du haut du tout, donc en hiver, avec la neige. Ça ne doit pas être évident. Et ça fait longtemps, elle, je crois qu'elle fait de la gym à la soupline, ça fait bien plus longtemps que moi. Il y a Muriel, mais qui, elle, travaille encore. Elle travaille à Remiremont, donc elle vient les lundis après-midi, parce qu'en fait, la gym, on en fait nous le matin et en journée, pas trop le soir. Justement, c'est quoi la fréquence des entraînements? Est-ce qu'il y a certaines activités, c'est plus le lundi, d'autres le vendredi, etc.? Alors, on a trois cours par semaine. Le lundi, à Rochesson, c'est de 14h30 à 15h30. Et le mardi, de 9h30 à 10h30 à Zainvillé, à une salle de vanier. Et le vendredi, pareil, de 9h30 à 10h30 à Zainvillé. C'est les mêmes cours, enfin, sauf c'est peut-être une animatrice différente. Donc en fait, vous avez toutes les activités le même jour avec différents animateurs, c'est ça? Par exemple, le pilates, c'est le même jour, la même heure, mais avec un animateur différent? Le pilates, c'est intégré dans nos cours. D'accord. C'est pas, c'est un cours de gym, c'est la même activité les trois fois. Donc c'est tout regroupé. Le cours, il peut être différent, c'est d'une autre musique, des autres mouvements, on va se concentrer sur le... on va faire plus de renforcement musculaire au niveau des jambes, par exemple, où on va travailler l'équilibre, on va travailler avec un ballon, ça va être différent à chaque fois. Et en plus, selon nos personnalités, mais c'est chaque fois, c'est la même chose, quoi. Est-ce qu'il existe différents cours en fonction du niveau des licenciés? Non. On s'adapte, en fait. Les gens peuvent, certains qui ont plus de mal ou qui ont des prothèses, parce que alors on va prendre une chaise, on va essayer de s'adapter. Chacun fait selon sa possibilité. L'important, c'est qu'on bouge. Donc, non. Est-ce que vous pratiquez ce sport, vu depuis que vous êtes en retraite, ou c'est depuis plus longtemps que ça? Moi, j'en ai fait un petit peu pendant ma carrière, mais c'était difficile pour moi de trouver des heures, vu mes horaires. Donc non, je fais de la gym, surtout depuis que je suis en retraite. Pourquoi avoir choisi ce sport plus particulièrement qu'un autre? Je crois que c'était plus facile à cet âge-là, voilà. Puis j'ai adhéré, j'ai commencé, puis j'ai aimé. Est-ce que ça vous fait du bien de faire ça, vous, Marie-Claire? Ah oui, tout à fait. Ça vous défoule? Oui, ça défoule, ça fait du bien, oui. Et puis ça entretient, je vois que ça... Ça nous permet de garder notre souplesse, de bouger plus. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça aide vous et les licenciés à sortir de leur quotidien, un peu de souffler? Oui, tout à fait. Et puis les gens de se rencontrer, enfin, c'est autant des fois, c'est autant pour l'activité que pour rencontrer les autres, en fait. Est-ce que c'est juste pour le plaisir ou est-ce que parfois vous participez à des compétitions? Non, c'est juste pour notre plaisir, on ne fait pas de compétition. Est-ce que vous êtes à la recherche d'animateurs? Ah oui. oui, c'est sûr. Plus on est, mieux. Voilà, c'est différent chaque fois, donc ça serait. On en a toujours besoin. Il n'y a pas une tranche d'âge particulière? Faut pas forcément qu'ils soient trop jeunes, trop âgés? Eh bien, non. Ça peut être des jeunes, au contraire. Mais je pense qu'il va falloir bientôt qu'on les paye, c'est sûr, parce que quand on est jeune et qu'on a passé son CQP, c'est pour travailler, hein, c'est pour arrondir les fins de mois ou travailler ou en faire son métier. Donc, ils auront le statut de salarié et pas de bénévole, par exemple. Alors, je ne sais pas du tout comment ce que ça va devenir pour l'instant, mais oui, on y pense un peu, malgré qu'on n'avait pas trop envie, parce que en même temps, ça fait augmenter les cotisations, forcément, et on se dit, on a envie que ça soit ouvert au plus grand nombre, que tout le monde puisse venir. Donc, on est entre les deux. Est-ce que vous proposez des activités toute l'année ou est-ce que vous faites parfois des pauses durant les vacances scolaires, par exemple ? Alors, normalement, oui, il y a des pauses pendant les vacances scolaires. Mais en fait, moi, j'en fais toute l'année parce que je peut-être pas à la même fréquence. Je veux dire que, par exemple, on va pas à Rochesson pendant les vacances scolaires parce qu'on n'a pas la salle. Et, mais je trouve que c'est important de faire ça régulièrement. Donc arrêtez. Donc on en fait toute l'année. C'est là que les mamies viennent des fois avec les enfants. Est-ce que vous proposez des fois des activités en extérieur ou c'est forcément dans les gymnases ? Non, on fait quelquefois une sortie raquette ou on fait une démarche. Est-ce que vous aimeriez dire quelques mots là-dessus ? Parce que je crois que vous êtes entré en contact avec Georges, notre président, lors d'une marche en raquette. Oui, c'est ça. On a fait une sortie raquette là en février. Et les conjoints étaient invités, donc voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé de venir. Voilà, c'était une bonne journée. Vous avez fait combien de kilomètres en raquette ? Eh ben, on a fait deux groupes. Alors, je ne sais pas combien a fait. Je sais pas combien a fait notre groupe. Nous, on a fait un peu moins parce que voilà, des groupes de niveau. Et on était parti. On a demandé à un animateur de Vanier. Un accompagnateur de montagne qui s'appelle Fabien Poirot, voilà. Et chacun, l'association a participé pour payer l'accompagnateur et chacun a payé son repas. C'était bien sympathique. C'est assez physique la raquette aussi, non ? Ça te fait un peu mal de cardio ? Oui, un petit peu. Oh, ça dépend du rythme. Mais en plus, c'était vraiment bien. Il faisait très beau et bon, il nous a fait découvrir plein de choses. Les traces des animaux, etc. C'était sympa. Et puis l'avantage avec la marche, c'est que vous pouvez profiter du paysage aussi. Ah oui, oui, c'était très bien. Ouais, c'était génial. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de l'actualité de la Soupline. On vous laisse avec Cookie Dingler et Jean-Jacques Goldman. Et on se retrouvera juste après sur le 107. Était cher, le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, il lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Chaque fois qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous me disiez hors antenne, Marie-Claire, que vous dépendiez d'une structure. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, de la Fédération Française de Sport pour Tous. C'est eux qui nous chapeautent, qui nous font, entre autres, pour les animatrices, on a des formations au moins deux fois par an et qui nous assurent. Par rapport à la SACEM, parce que comme on diffuse de la musique pendant les cours, donc ils prennent en charge. En parlant de musique, est-ce que vous pourriez nous expliquer vos choix musicaux pour cette émission ? Pourquoi avoir choisi ces musiques-là particulièrement ? Alors Ed Sheeran, c'est parce que nous on a fait une petite chorégraphie dessus. Justement, la Fédération française de sport pour tous faisait un espèce de petit concours pour on devait se filmer et en fonction ils nous ont classé un petit peu les trucs. On a fait un concours, donc on a travaillé dessus. C'était assez rigolo. Voilà. Et puis, Femmes libérées, c'est parce qu'on fait souvent la gym, des mouvements de gym dessus. C'est la même chose pour Goldman. Souvent, on essaye des fois d'utiliser des chansons des années 80, même plus. Voilà. C'est relativement doux, ça va. Parce que si ça serait un genre boys, oui, de oui, Sabrina, oui, c'est ça. Nous sommes des seniors, donc on fait... Mais on bouge quand même, mine de rien. On travaille bien quand même. C'est quoi l'actualité de la Soupline ? Qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Eh bien, on va continuer nos cours. Et puis, je pense qu'on va faire une découverte de Tai Chi et... Voilà, parce qu'on connaît une animatrice qui habite le haut du taux, qui va nous faire découvrir cette discipline. Est-ce que vous savez c'est quoi, vous, le tai chi ou pas ? Un petit peu. C'est des mouvements assez doux dans la lenteur. C'est d'origine asiatique. Est-ce qu'il y a une date échéante pour les inscriptions ? Est-ce qu'on peut s'inscrire toute l'année ou pas ? On peut s'inscrire toute l'année. Bon, en principe, les inscriptions, c'est quand même en septembre, mais si quelqu'un décide de venir en cours d'année, on fait une inscription. Et c'est facile de s'intégrer dans l'équipe. Oui, oui, il y a une bonne ambiance, c'est convivial, les gens, on aime bien. Oui, oui, oui, c'est sympathique, on se prend pas la tête, c'est bienveillant. Hormis le tai chi, est-ce que vous envisagez de faire d'autres cours pour une autre discipline avec la soupline ou pas ? Pas pour l'instant. Mais bon, on est ouvert si les adhérents demandent. Comment est-ce qu'on peut vous contacter, Marie-Claire, pour devenir licenciée à la Soupline ? Eh bien, en me contactant par téléphone ou par mail. Il y a les coordonnées dans les journaux d'information des mairies ou de Vanier ou de Rochesson. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Internet, parce que je sais que vous n'êtes pas trop sur le net, sur l'association, et j'ai vu que vous aviez quelques articles sur Vosges Matin. Comment ça s'est passé, tout ça ? Oui, à l'époque, j'étais pas présidente, donc c'est pas moi qui l'ai contacté, mais on contactait le correspondant local de Vosges Matin, et il venait souvent à chaque assemblée générale ou... quelquefois pendant les cours, faire des photos et faire un petit article pour nous faire connaître et puis donner les heures de cours. Mm-hmm. C'est surtout pour ça, quoi. Est-ce que vous apparaissez, vous, dans un de ces articles ou pas ? Je crois avoir vu une petite photo où on vous voit au fond, je crois. Oui, il va y avoir quelques photos, oui. Oui, sûrement, il y a aussi dans le... Non, parce que tous les ans, il faut faire dans le bulletin municipal. Oui, il doit y avoir un article qui traîne dans le bulletin de Vanier, oui. Est-ce que vous avez été interviewé, vous, particulièrement, ou pas du tout pour... Non. Ça ferait partie de vos projets de vous faire interviewer pour mettre en valeur l'association ? Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous, à l'association, Marie-Claire ? Eh bien, que l'association continue comme ça. On est ouvert à tous et que le sport, c'est important. C'est important pour notre santé et voilà. Et peut-être plus d'animateurs aussi. Ah ben oui, il faudrait plus d'animateurs, c'est sûr. Parce que le fait d'avoir peut-être plus d'animateurs, ça peut amener encore plus de gens qui vont s'inscrire dans l'association. Exactement, ça ferait ben voilà, plus de gens qui font du sport. Et qui... Oui, c'est sûr. Malgré qu'il y a d'autres associations de gym sur Vanier. Hein. Il y a le jeudi matin, il y a une association Ciel qui fait de la gym pour les personnes encore qui ont de la gym douce. Mm-hmm. Et puis je crois qu'il y a Modiscule, qui fait où il y a les plus jeunes qui font donc le soir à la salle. Alors cette émission est maintenant terminée. Marie-Claire, merci d'avoir été avec nous. De rien. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Ben oui, pourquoi pas. Qui sait, pour parler encore d'un autre article dans Vosges Matin, qui sait. Qui sait. Et j'espère que via cette émission, vous aurez peut-être des animateurs qui vont venir vous voir, oui, des licenciés qui vont venir s'inscrire. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.